lingana toyo kana peto salisana e omboka ya biso e Indépendance, moi la maman dit, d'un coquille, de l'égale à Mokae, Indéléo, Bissana Binango, et Dikamo Mokote, on a Kadidi, Toyokana, Tolingana, Peto Salisanae, Omokaya Bissoe, Indépendance, moi la maman dit, d'un coquille, de l'égale à Mokae, Bakongoe, Nabangalango, et Dikamo Mokote, on a Kadidi. Toyokana, Tolingana, Peto Salisanae, Omoka ya Bisoe. Aïe, indépendance. Aïe, à te maquiner. Agatou, chine, dans la communauté de Bé. Indépendance, moi la mamadie. Dangue coquille, Tolingue la Mokae. Bakongoe, Nabangalangoe. Nikamo Mokote, on a Katidi. Toyokana, peto salisanae, omoka ya bisoe, dengol tata yon na yulue, dose pere ne konose, aide breo, yora tijereo, dose pere ne konose, janfoye o, yora opangoe, dose pere ne konose, ene panose, yora komiroteo, dose pere ne konose. C'est pérenne dépendance.